les alimes, malédiction. Ma promesse, moti de nyonso. Eko soukana, déception. Poète nyonso, na mokili oyo. Eza na mose, illusion. Gestion de direction, yabo moya ngai lelo yo. Papa sala pour révision, yama bébé ba erreur nyonso. Oye me manga en la perdition, na yebi bien ke bana yo. Sona vina ma yo longoli o pesi sabe ya kito ko e pesi tuna el parfum de bon odeur su poli o gendi singa lelo na kumi o couleur grâce à toi colonna toute ma vie est blonde et tout ma na na no da veo ma porta victoire bambuna nanga bambu kangunda bona bambu plus d'espoir. Toute ici la droite et droite.